Le carnaval de Cayenne, c'est un peu particulier parce que ça n'a pas la cote, ça n'a pas la réputation du carnaval de Venise ou bien de Rio. De Rio. Et pourtant, c'est le carnaval le plus long du monde. C'est un carnaval qui débute le 1er janvier et qui dure jusqu'au mercredi décembre. Alors, comme je ne connais pas très bien le calendrier catholique, je peux vous dire que ça se termine là, j'en reviens, ça s'est terminé le 14 février, enfin le 13 février, je suis partie le soir de la fin. Donc, ça fait 6 semaines. Mais j'ai participé à un autre carnaval qui s'est terminé le 21 mars. D'accord. Et il y a vraiment des tenues extraordinaires, vraiment extraordinaires. Les tenues les plus remarquables sont les tenues brésiliennes. Les Brésiliens défilent. Oui. La plupart ont des costumes en plumes. Alors en plumes, pas des plumes de moineau, hein, des plumes d'autruche. Le gros malheur, c'est que ça se passe à la saison des pluies. Et une pluie sur une plume d'autruche, comme l'autruche, elle est morte. Mais il choisit ce malheur saison. C'est la saison du carnaval. Et ça peut se changer, des dates. Je pense que pour la tradition, il ne change pas. Maintenant, les plus beaux costumes, les costumes les plus coûteux, sont présentés sur des chars. Et les chars offrent une certaine protection contre la pluie. Le problème, c'est que la pluie équatoriale, c'est quelque chose qu'on peut même pas imaginer ici. C'est la douche, c'est d'une violence invraisemblable. Ça dure pas longtemps, ça dure 10 minutes. Et au bout d'un quart d'heure, tout est sec à cause de la chaleur extrême. Il fait 40 degrés la nuit, donc ça s'évapore très vite. C'est sûr. Et puis, demi-heure après, ça recommence. Carnaval, c'est un moyen extraordinaire de... C'est un moyen de communier. Oui, c'est sûr. Un moyen de communier, vraiment, un moyen très large, entre toutes les communautés. Enfin, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment des communautés en Guyane, parce que la Guyane, c'est le lieu où sont mis en pratique tous les principes des droits de l'homme, tous les principes antiracistes. Et je crois qu'on ne sait pas exactement la couleur de l'enfant qui va naître en Guyane. On disait ça du Brésil. C'est pas tout à fait vrai au Brésil, parce qu'au Brésil, il y a quand même des classes sociales, non pas des classes par race, mais des classes sociales. Il y a des riches et il y a des pauvres. Tandis que cette limite-là, elle est beaucoup plus ténue, pour ne pas dire inexistante, en Guyane. Alors, le principe du carnaval guyanais, c'est... On ne doit pas, il y a deux sortes de balles, il y a les balles touloulou et les balles tololo. Et les balles touloulou, ce sont les femmes, c'est très amusant. Les femmes ont tous les droits dans le bal touloulou, elles sont déguisées, on ne peut absolument pas les reconnaître, c'est tout à fait impossible, pour une bonne raison, c'est que celui ou celle qui est déguisé, on ne doit pas savoir s'il est... noir ou blanc ou jaune. D'accord. Donc il est recouvert de la tête aux pieds. Ça peut paraître amusant, mais moi j'ai porté une tenue touloulou, j'en porte à chaque carnaval, j'en porte même plusieurs. C'est pas toujours amusant parce qu'il fait 40 degrés et qu'on est recouvert de la tête aux pieds. On ne doit pas voir les cheveux parce que les cheveux sont une indication raciale. On ne doit pas voir les orteils. On est recouvert de pied en cap. On ne doit pas voir les doigts. On a des gants. On a des gants avec des très grands revers. On ne doit pas voir le cou. On ne doit pas voir les yeux. On porte deux masques, les masques pour qu'on ne voit pas du tout les yeux. Qui doit faire chaud là-dessous. C'est terrible. La première fois, j'ai tenu une heure. On a eu une amie qui est venue avec nous cette année. Au bout de demi-heure, elle a demandé grâce. C'est terrible. Mais on s'habitue, hein, maintenant je m'habitue. Il faut savoir qu'il faut absolument être en coton. Si on ne prend pas du coton, on ne peut pas tenir le coup. C'est impossible. Polyester ou soit une première année, ma fille avait voulu prendre un costume de soie. Ils ne savaient pas que la soie à 40 degrés, oui, c'est terrible. Ça absorbe, oui, d'accord, oui. Mais non. Donc il faut absolument une tenue en coton. Et bon, il faut une tenue en coton, une tenue, c'est comme pour danser en général. Il faut une tenue dans laquelle on se sente très à l'aise. Parce qu'on ne peut pas supporter une pression, c'est tout à fait insupportable. Alors donc pour les femmes, c'est, ça se passe comme ça. Et alors les femmes donc habillées en touloulou, ce sont les reines. Elles peuvent demander tout et n'importe quoi, et c'est elles qui invitent. Et les hommes n'ont pas le droit de refuser. Ah d'accord. Voilà, moi c'est ça que j'aurais voulu faire, mais les patrons n'étaient pas d'accord. Les patrons ne sont pas d'accord. Ils peuvent vraiment pas s'en rapprocher. Alors il y a aussi les soirées touloulou. Alors les soirées touloulou, c'est la même chose, mais ce sont les garçons qui sont déguisés. Et une chose très drôle d'ailleurs, c'est que les garçons, on voit arriver, les seuls qui soient costumés, ce sont des hommes. Mais étrange et bizarre, il y a énormément de costumes de femmes. Ah d'accord. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de messieurs, n'est-ce pas, qui rêvent. Oui, c'est ça. C'est voilà. Ça, j'ai compris. Et c'est pareil, les soirées touloulou, c'est la symétrique de la soirée touloulou, voilà. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas le droit de refuser. Une invitation. Et bon, les danses de carnaval, elles se ressemblent un peu. Enfin, ce ne sont pas des danses que je pratique comme on pratique ici le tango, le paso doble. Ça n'a pas du tout la même esthétique. Par contre, c'est extrêmement suggestif. Alors, une petite astuce pour que tout le monde comprenne de quoi il retourne. On dit en Guyane et en Amérique du Sud en général qu'un bon danseur de jerk, tout le monde danse le jerk ici. Alors, un bon danseur de jerk, n'est-ce pas, en Guyane, le danseur assoit la danseuse à cheval sur son genou. Et un bon danseur de jerk, c'est un monsieur qui, à la fin de la danse, a le genou mouillé. Ah d'accord. Sinon, il est nul. Oui, c'est ça. Oui. Oh oui, c'est trop génial. Voilà, si avec ça, vous n'avez pas envie d'aller en Guyane, hein, et ben... Tout à fait. Ah oui, c'est très amusant. C'est un peu. communication aussi entre les danseurs est assez amusante parce que les touloulous, aussi bien les touloulous que les touloulous, ne peuvent pas, le déshonneur pour un touloulou ou pour un touloulou, c'est de se démasquer. De se démasquer de se faire reconnaître d'une façon quelconque. On ne retire jamais le masque. On s'en va, mais on ne retire pas le masque. Oh. Et pour communiquer, comme la danseuse a tous les droits et peut demander à boire, etc., il faut qu'elle maquille sa voix. Oh. Alors, elle dit jamais, est-ce qu'on pourrait aller boire? Non, parce qu'on peut la reconnaître. Elle dit, tout le loup a soif. D'accord. D'accord. Elle est maquillée sa voix. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand c'est la soirée Tololo, Tololo, c'est Tololo qui offre à boire à sa cavalière et il le fait avec une voix maquillée pareil. D'accord, d'accord. Alors ça fait un drôle de fait. Ça fait bizarre, ouais. Bizarre, oui, oui, ça oui. On n'est pas habitué, c'est ça. Voilà. Alors, il y a autre chose assez amusant à propos des soirées Touloulou et Tololo, enfin Touloulou en particulier, parce qu'il faut reconnaître que ce sont les femmes qui arrivent à faire le plus de dégâts dans ce domaine. Alors, par exemple, on se prépare pendant très longtemps pour la soirée Touloulou, la soirée où on aura la plus belle robe, etc. Supposons que Madame Intel prépare chez elle des kilomètres de tissu rouge pour se faire une robe flamboyante. Son époux voit des kilomètres de tissu rouge. On va au bal séparément, chacun avec une voiture différente, madame avec ses copines, monsieur avec ses copains. On arrive au bal et monsieur voit une créature de rêve dans un superbe costume bleu. Il regarde, il n'y a pas de robe rouge alentour. Oui, c'est ça. Oui, il fait passer une bonne soirée. Oui. Et puis il va voir la robe bleue, et puis il cajole la robe bleue, et puis ils font des begins terribles avec la robe bleue. Oui. Bon, et puis la robe bleue disparaît. Bon. Vers les 4 heures du matin, il rentre chez lui. Et qu'est-ce qu'il voit, à votre avis? Mais sa femme avait la robe bleue. Une robe bleue. Donc il avait cotisé sa propre robe. La robe bleue sur la banquette. D'accord. Et il prend 3 tartes. Ah, ça, oui. C'est très bon l'histoire là. Ouais. C'est très chouette. Ouais, mais c'est bon, ça c'est. Ah, c'est très amusant. C'est tellement traditionnel que tout le monde raconte ce genre de choses, oui. Mais on l'a fait. On l'a fait. Je l'ai fait avec une amie d'enfance. Et pourtant, elle est caractéristique. Elle est toute petite, elle fait 1m55 à peine. Et on lui avait trouvé un costume sur place. Parce que avant les soirées Touloulou ou Tololo, on loue des costumes dans des magasins spécialisés. On lui avait trouvé un costume sur place, elle était mignonne comme tout. On aurait dit un petit page, elle était vraiment très très mignonne. Mais bon, elle faisait toujours 1m55. Elle faisait toujours 1m55. Oui, oui, oui. Elle était recouverte de la tête aux pieds. Sur la tête, elle avait une perruque. Elle avait une cagoule, ce qu'on appelle une cagoule, qui descend jusqu'aux épaules. Et elle avait par-dessus tout ça un chapeau. Et elle avait des gants, elle avait donc le petit costume pantalon avec énormément de dentelles, un petit peu genre la comtesse de Ségur, les petites filles de la comtesse de Ségur, c'était très très charmant. Et puis une tunique et donc des gants avec des grands revers pour qu'on ne voit pas un centimètre de peau. Selon la tradition guyanaise, on ne doit pas savoir si la personne avec laquelle on danse est noire ou blanche ou jaune. Ouais. Et mon amie, donc, 1m55, s'était costumée comme ça. Elle n'avait pas pris de talons. Elle n'avait pas changé grand-chose à la nature. Et puis, c'était donc la soirée Touloulou, c'était la soirée des femmes, et les hommes n'étaient pas costumés. Et on voit Guy au fond de la piste. Et Chantal me dit, je vais y aller, on va voir de quoi il est capable. Après, elle commence à tourner un peu, à regarder, à frôler, puis elle revient, puis comme c'est la Touloulou qui a tous les droits, elle est allée inviter quelqu'un d'autre. Puis avec quelqu'un d'autre, elle est venue danser sous son nez. Et puis elle a abandonné le quelqu'un en question, et elle est revenue. Puis à la fin, le pauvre garçon, il ne savait plus quoi faire, alors il est allé s'asseoir dans les gradins. Mais que croyez-vous qu'il arriva? La petite Chantal, elle lui a couru après. Et elle s'est assise sur le gradin à côté. Regardez. Pauvre garçon, il passait par toutes les couleurs. Et finalement, il s'est poussé de l'autre côté. Bon, elle aurait été un peu vexée, enfin, ou elle a fait la vexée, et elle est partie encore danser. Et elle est revenue, finalement, elle lui a mis la main sur la cuisse. Alors là, il était terrorisé, il s'est levé, et elle lui a dit qui elle était. Elle n'a pas enlevé le masque, parce que c'est impossible, mais elle lui a dit qui elle était. Elle a piégé son mari. Donc, on raconte des histoires de ce genre qui sont devenues traditionnelles, mais nous, on a vérifié, et ça marche, absolument. Dans la mesure où le touloulou ne parle pas avec sa voix normale, bien sûr. Hein. Quand elle a dit « C'est moi, Chantal !» C'est tout. C'est tout planqué, ça. Voilà. Maintenant, il n'y a pas que les bals, touloulou ou tololo, il y a aussi les défilés. Et les défilés, c'est quelque chose de complètement magique, parce que les gens investissent énormément tout au long de l'année pour acheter des tissus, pour faire ou faire faire la couture. Toutes les Guyanaises ont une machine à coudre. Hein. C'est la tradition là-bas, elle est complètement maintenue. Et les costumes sont difficilement imaginables ici. Hein. Enfin, je crois que André, tu as vu, t'as vu les paillettes et les strass et la robe à cerceau, etc. Tu as vu ça? C'est absolument féerique. Oui, c'est vraiment féerique. La différence avec le carnaval de Rio, c'est la quantité de costumes. Mais au niveau de la qualité, je pense que c'est à peu près équivalent. Bon, à Rio, y a plus de monde. Hein. La ville est immense, il y a plusieurs millions d'habitants. Tandis qu'à Cayenne, toute la Guyane, ça fait 220 000 habitants. Mmh. Alors évidemment, à cause de ça, ne serait-ce qu'à cause de ça, on ne peut pas leur arriver à la cheville. Mais au niveau de la qualité, je pense que c'est équivalent. Ce que je trouve prodigieux, c'est que les Guyanais arrivent à défiler. Alors on fait deux tours de ville, ça fait une dizaine de kilomètres. Ils arrivent à défiler, il y a des femmes qui arrivent à défiler avec des talons aiguilles de 10 cm. Et elles font 10 km comme ça. La journée, là. C'est complètement fou. Et alors, il y a les talons déjà qui sont assez intéressants. Et il y a aussi donc les tenues. Alors, la tenue, la robe à crinoline que vous avez vue, cette robe-là, donc recouverte de soie, de brocart, de velours, il y a beaucoup de velours. Il y a un goût très prononcé pour les traditions XVIIe siècle, c'est-à-dire les robes à paniers, etc. Et les femmes se promènent, elles font comme ça, 10 km en robe à paniers, sous les brocarts. Avec quelle température là? Oh, dans la journée, il fait bien 40. Ouf. Oui. Ouh là là là là. Ouais. Ça ne doit pas être beau dessous. Ça ne doit pas être très très beau dessous. Non, je ne pense pas. Enfin, moi je l'ai fait, hein. Je l'ai fait, j'étais pas. C'est drôle parce que j'étais pas si mal à l'aise que ça. Mmh. On sait très bien que les dessous doivent absolument, impérativement être en coton. Mmh. Ben, une fois que on est. C'est une question d'hygiène, une fois qu'on est. Recouverte de coton, ça absorbe. On sera peut-être un petit peu mouillé, mais c'est pas gravissime. C'est pas, y a rien à voir avec l'agression des synthétiques. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle les jours gras. Alors le samedi et le dimanche. Le samedi est un jour gras et il y a des couleurs imposées. Alors le rouge, le noir et le blanc. Alors cette année, il y a des thèmes de costumes qui sont donnés par groupe. Il y a des groupes dans la ville, des associations. Chaque association a un thème à illustrer. Alors nous, je ne sais pas si vous en étiez rendu compte, j'avais donc une grande robe noire avec dessus. Le thème, c'était l'enfer du jeu. Alors, j'avais découpé tout simplement dans du polystyrène des cœurs, des trèfles, des carreaux, etc. Mmh. Et des piques. Et je les avais cousus à gros points sur, sur la robe très large. Alors, la robe était noire et j'avais fait les... J'avais mis une espèce de grande ceinture et j'avais piqué les pièces de jeu, les carreaux, les cœurs et les piques, je les avais piquées sur la ceinture, qui faisait, en fait, ça faisait une crinoline extérieure un petit peu. Ça m'a permis de ne pas abîmer la robe. Bien sûr. Avec laquelle on ira danser bientôt. Chiche. Oui, absolument. À l'Odéon. Non, je ne mettrai peut-être pas la crinoline quand même, parce que à l'Odéon, il y a trop de monde, et je tiendrai la place de 4 personnes. Donc, il y avait ça. Qu'est-ce que j'avais fait encore? Je m'étais fait un chapeau un petit peu comme on fait dans les universités anglaises, le chapeau tout plat. Mmh. Et j'avais mis les 4 symboles des jeux de cartes. Et qu'est-ce que j'avais fait encore? Je m'étais mis un gros cœur devant et derrière un gros pic découpé dans du polystyrène. Oui. Ça n'avait... Il était nécessaire que ça tienne la journée, Et le lendemain, on a fait brûler carnaval. Et donc, c'est un jour de deuil, c'est le jour des cendres. Il fallait être habillé en noir et blanc. Alors, notre groupe devait présenter des costumes de pingouins. Alors, moi, je me suis dit, pingouin, c'est pas difficile. Je vais découper une jupe, je vais lui faire comme des plumes en bas. Et puis je me colle ça sur le dos avec un collant et une chemise blanche et ça fera le pingouin. Et ben j'avais tout faux. Hein. Ah bon. Ils ont sorti des costumes de pingouin ébouriffants. Ils ont l'habitude évidemment. Ils ont découpé dans du carton des ailes de pingouin. Ça les a mais comme ça. Ils se les ont fixées là. Et à l'épaule et au poignet, et le bras disparaissait sous l'aile. Oui. Et ils faisaient comme ça, et on aurait vraiment dit qu'ils allaient... pas qu'ils allaient s'envoler, puisque les pingouins ne volent pas, mais c'était des jeux d'ailes. Ah oui, des jeux d'ailes, c'était... Puis on s'est fait des... Il y en a qui prennent des vrais pingouins aussi. on a fait des pieds palmés en couleur, et j'ai découvert que les pingouins, je ne savais pas, avaient une tache rouge à côté de l'œil. Hein? J'avais jamais vu ça, je l'ai vérifié sur Internet. Mmh. Et il y en a qui ont trouvé le moyen de se faire la tache rouge avec du duvet. D'accord. Ça faisait un effet extraordinaire. Ah, alors on s'est fait des taches rouges, on s'était fait des becs. C'est bon. La folie. Mais alors, oui. Mais moi je croyais bêtement que avec une cape à pointe et puis un collant, j'allais être un pingouin. Mais pas du tout, hein. J'étais un pingouin ridicule. Voilà, donc c'est-à-dire que ça montre à quel point les gens sont perfectionnistes. Oui, ils sont sûr. Très, très, très perfectionnistes dans la confection des costumes. Extrêmement. Extrêmement. Et on a vu, il y avait un camarade du groupe qui a fait... Il a reproduit, il avait sur lui, il portait comme autrefois les hommes sandwich portaient des publicités devant et derrière. Il a porté des cartes à jouer et il avait reproduit le roi de cœur, le roi Charles. Mais c'était extraordinaire. Il a reproduit une carte à jouer, mais elle faisait un mètre carré. Et avec la peinture dorée, le noir, le rouge, le blanc... ça m'a fait complètement rêver, ça. Je me demandais vraiment... Alors, j'ai vu le gars à 4 pattes en train de faire ses dessins avec des pots de peinture et tout. Je le voyais pas du tout arriver, réaliser, concrétiser ce projet. Quand je l'ai vu terminer, j'étais vraiment ébahie. Et ils font ça, ils travaillent donc des semaines, des mois, ils investissent des sommes folles, et ça va durer une journée. Ah oui, en effet. Oui, mais quelle journée. Ah oui, mais quelle journée. Alors, le mieux, au mieux, il récupère un costume qui aurait été confectionné de façon durable, comme celui de mon ami, le petit costume à la comtesse de Ségur. Il le recycle et on les loue ou on les vend ou on les revend dans les magasins spécialisés. Mais il n'y en a pas tellement. Les gens, Il y a des dizaines de milliers de participants au défilé. Et dans les petits magasins, il y a peut-être, je sais pas, 5 ou 6 magasins qui vont présenter chacun, même pas une centaine de costumes. Mmh. Alors, je crois que les gens, d'une année sur l'autre, vont soit ils les collectionnent, j'ai vu des gens qui les collectionnaient. Mmh. Mais alors, il ne faut pas leur demander ni de les prêter, ni de les modifier. Non, c'est quasiment sacré. Et puis, il y a des gens aussi qui les recyclent, qui les retransforment, etc. Mmh. Si vous voulez venir en Guyane, eh ben, c'est au mois de février qu'il faut venir. Voilà. Loge où l'ouvrit Mano vini ou emou Mou connaître mes amis Non, zombie à pas Mano A première fois Mou et Mano comme ça passé à comment tout fica parler mon palais pour mon savez tête à main ou pas là l'autre en fait Mano dit mot comme ça, songez l'année passée, bien chargé qui est un fier. Moi, allez que Monique, moi, passe avec vous qui m'ont pas mis des plastiques. Moi, continue la vie, que mon doudou, tombe, il lève jour après jour. Puis, sur votre camoufle, puis mon courage tombé, pas jamais dire que docteur dit mot, qui m'ont trappé. Fais ça, tout bien bouffé, si tu savais ça, tout café, dis ma roue, notre soleil. Chaque seconde qu'a passé, tout la vie péché, chef.